D'amour ou d'amitié. Écrit par Lily Bell et lu par Sunlight Symphony. C'est un pas de deux. Deux pas en avant, trois en arrière et un sur le côté. Et parfois, des bras qui se frôlent. Des mains qui se touchent et des sourires distraits. Ce sont des moments de silence qui n'en finissent plus. Des moments de perfection au milieu du chaos de sa vie. Ce sont les sourires de Patrick au détour d'un achalandage du magasin. Ce sont les moqueries douces autour du lait corporel et ses yeux qui pétillent. D'amour ou d'amitié. David ne sait pas ce qu'il se passe entre eux. Ce flirt incessant. Est-ce juste lui ou est-ce Patrick aussi? Est-ce que Patrick se couche et voit David sous ses paupières closes? Est-ce qu'il rêve de savoir le goût de sa peau et de ses larmes? C'est une danse dont il ne connaît pas les pas, un pas de deux jamais répété, une nouveauté. David est frustré, surtout lorsque Patrick dévore une cookie devant lui et que des miettes se déposent sur le bord de ses lèvres. David voudrait les faire disparaître, avec ses doigts ou sa langue. Et Patrick le regarde et les fait disparaître, sans quitter David des yeux. D'amour ou d'amitié? David ne sait pas, mais Patrick semble participer à la même danse que lui. Ou peut-être que c'est uniquement dans sa tête et qu'il en désire d'autres. Peut-être que Patrick ne se rend pas compte, ne sait pas. Et puis Patrick le prend dans ses bras. David se laisse embrasser. Et quelque part au fond de lui, se prend à réellement espérer. Que ce pas de deux, cette danse syncopée, puisse devenir une danse à deux, coordonnée. Fin.